Radio Web Passion, il est 18h. Bonne soirée. Salut à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur Radio Web Passion. C'est l'émission Hot Rods qui commence, un générique qui devrait maintenant vous rappeler quelque chose si vous avez écouté il y a 15 jours. Voilà, donc je me présente brièvement, je m'appelle John Rochford, mais certains m'appellent Jackal. Je suis né à Bisbee en Arizona, une mère indienne, un père mexicain, un drôle de mélange, non ? J'ai grandi dans le désert du Sonora, partagé entre mes racines de Chicanos et celles de Yaki. J'ai tout connu. L'alcool, la drogue, le sexe, la violence et le rock'n'roll. Alors je t'en prie mon ami, appelle-moi Jackal. In my 1973, c'est l'année pour ouvrir cette première heure de Hot Rods avec les Queen et Keep Yourself Alive, donc un morceau tiré de leur premier album qui s'appelait tout simplement Queen, que certains appellent Queen 1. Voilà, Keep Yourself Alive, c'est aussi leur premier single sorti en Europe. Alors comme ce soir c'est une première, c'est la première émission, eh bien, on va faire une première heure consacrée au classique rock et plus particulièrement une spéciale premier album. Donc on a commencé avec le premier album officiel de Queen et on va tout de suite continuer avec des Texans, avec le premier album de ZZ Top. La chanson s'appelle Brown Sugar, en rapport à la cocaïne, c'est comme ça qu'on dit en argot américain. Extrait donc de leur premier album qui s'appelle d'ailleurs très justement The First Album. Il est paru en 1971. À noter que cette chanson n'a rien à voir avec l'autre Brown Sugar, celui des Rolling Stones, paru d'ailleurs la même année. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. Gotta have that brown sugar, man, it's just gonna change my life. Man, I got to have that brown sugar, man, it's just gonna make me feel so right. We'll be right back. Soul Stripper, un titre de AC/DC. J'ai peur de me répéter, mais c'est de leur premier album qui s'appelait High Voltage et qui est sorti le 17 février 1975, mais uniquement en Australie. À ne pas confondre avec l'autre album High Voltage qui est en version internationale, qui lui est sorti le 14 mai 1976 et qui est composé des chansons des deux albums précédents sortis uniquement en Australie, donc le fameux High Voltage qu'on vient d'écouter et TNT. Tous deux sortis en 1975. Voilà, il est 18h20. Il est l'heure maintenant de se faire un petit retour aux racines, little back to the roots, comme on dit chez les Américains, avec les Checker Lads et leur titre Baby Sense for Me. Un titre édité en 1966, c'est une très grande année pour ceux qui me connaissent, en tant que face B de Check Yourself Down, un de leurs nombreux singles. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est qu'à chaque émission, entre 18h15 et 18h20, on se fasse un petit retour comme ça aux racines. Ça fait toujours de bien de retourner aux roots. Set for me a little kiss and then a hugging. Baby, set for me. You can find my number in the telephone book. I've got a few good look. Baby, set for me. If you ever have problems, baby, set for me. And you want me to solve them, baby, set for me. Set for me. Wow, now morning, noon and night in the early bright. Don't you fret, my pretty pet, I'm gonna treat you right. Okay, set for me. Baby, check for me, Checker Lads. Donc ça craque un petit peu, ça sent le vinyle, ça sent le vieux, ça sent le bon vieux tourne-disque. Voilà, 1966. Retour maintenant dans nos années 70, d'ailleurs retour en 1970 avec un titre de Black Sabbath. Donc toujours sur leur premier album qui s'appelle évidemment Black Sabbath. Donc paru en 1970, le titre s'appelle Wicked World. Alors c'est une chanson que l'on retrouve en bonus sur la réédition qui est sortie en 1996. Donc vous ne la trouverez pas sur l'album original sorti en 70. Donc et c'est considéré comme le premier album de heavy metal par tous nos grands spécialistes du rock and roll. We'll be right back. Voilà, bah ça envoie un peu le pâté quand même. Hein. Donc les Blast Sabbath avec Wicked World. On va passer maintenant à quelque chose d'un tout petit peu plus calme avec un titre qui s'appelle Safe as Milk, tiré du premier album de Captain Beefheart and His Magic Band. Il est sorti en 1967 et on va s'écouter tout de suite ce titre Safe as a Milk. Strikes the bell for 5 o'clock. Uncle Arthur closes shop, screws the tops on all the bottles, turns the lights out, locks it up, climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, past the river, down the high street, back to mother. It's another empty day. Uncle Arthur wipes his mummy. Uncle Arthur still reads comics. Uncle Arthur follows Batman. Round and round the rumors fly, how he ran away from mum on his 32nd birthday, told her that he'd found a chum. Mother cried and raved and yelled and fussed. Arthur left her no illusion, brought the girl round, saved confusion. Sally was the real thing, not just lust. Uncle Arthur vanished quickly. Uncle Arthur and his new bride. Uncle Arthur follows Sally. Round and round goes Arthur's head, hasn't eaten well for days. Little Sally may be lovely, but cooking leaves her in a maze. Uncle Arthur packed his bags and fled back to mother, all's forgiven. Serving in the family shop, he gets his pocket money, he's well fed. Uncle Arthur past the gasworks, Uncle Arthur past the river, Uncle Arthur down the high street, Uncle Arthur follows mother. Voilà, c'était aussi ça les années 70, c'était pas que de la grosse musique bourrinos, c'était aussi des titres un peu déjantés comme le Safe as Milk de Captain Beefheart, et à l'instant c'était Uncle Arthur, un titre qui ouvre le premier album de Mr. David Robert Jones, alias David Bowie. C'est sorti en 1967. Voilà. Et l'artiste devra attendre encore 2 ans pour se faire connaître du grand public avec sa chanson Space Oddity et accédera à la popularité en 1972 avec son personnage Ziggy Stardust, devenant ainsi une des figures de proue du mouvement glam rock. Glam rock sur un style musical sur lequel on fera une émission spéciale un de ces mercredis soirs. Voilà, il est maintenant 18h36, l'heure de retrouver une rubrique que j'appellerai la French Touch, c'est-à-dire on va enchaîner 2 morceaux de groupes français ou d'artistes français des années 70. On va commencer le premier par un petit bijou, allez comprendre. C'est extrait de l'album Danse avec moi et c'est sorti en 1977. Avec elle, je le mange. Voilà, c'est deux titres de la French Touch, donc Bijou, le groupe Bijou, évidemment, avec le titre Allez comprendre, donc extrait de Danse avec moi, leur premier album sorti en 1977. On restera dans la même année, 1977, avec le premier album d'un groupe qui s'appelait Téléphone, et le titre c'était Le Vaudou est toujours debout. Voilà, un des morceaux les plus punchy du groupe Téléphone. On va maintenant retourner en Amérique, en Californie, avec un groupe qui est célèbre pour une chanson sur la drogue également, qui s'appelait Hotel California. Voilà, je veux bien sûr parler des Eagles. Et voici une chanson qui est peut-être pas trop connue, mais qui est extraite de leur premier album qui s'appelait Eagles et qui est paru en 1972. We'll be right back. Voilà, les Eagles, Witchy Woman, sorti en 1972. On va retrouver tout de suite un autre dinosaure des années 70, un groupe qui s'appelle Foreigner, qui était connu surtout pour une chanson qui était sortie début des années 80 qui s'appelait Urgent, mais c'est pas celle-là qu'on va s'écouter maintenant. On va écouter Long, Long Way From Home, donc c'est extrait de l'album Foreigner qui est sorti en 1977. Long way. sur www.radioweb-passion.com. Voilà, c'était encore une petite vieillerie des années 70, comme on va prendre l'habitude d'en écouter tous les mercredis soirs. C'était Monsieur Gary Moore, sous l'étiquette de The Gary Moore Bands, et le titre Time to Heal, sorti en 1973 sur l'album Grinding Stones. On va se calmer un peu le jeu, on va finir la première heure avec une petite douceur, 2 minutes 20 de douceur. Voilà, c'est parti. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, love, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, do an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Voilà. On a fini la première heure, on va attaquer la deuxième. Alors il y a des chansons comme ça, moi, qui me rappellent des trucs. Ça me rappelle la fois où je suis retourné à Bisbee en 1971. Ma mère était malade et il fallait que je sois là pour elle. Alors j'avais décidé de faire un break dans mon escapade vers la liberté et de réintégrer le domicile familial. Je me suis dit que je lui devais bien ça, ma pauvre mère. J'étais parti depuis 3 ans sillonnant les routes sur ma Harley, 3 ans sans donner une seule nouvelle. Juste Rosita, tu sais, ma guitare. Et moi, et personne d'autre. J'avais même pas dit à mes parents, j'avais fait 2 ans de tôle pour une histoire de poker, de triche. Bah, faut dire qu'il avait bien mérité sa torgnole, ce temps pas fait. Alors voilà, je suis de retour au bercail. We'll be right back. soir, avant d'aller me pioter, je suis allé me promener un peu, une petite balade, histoire de fumer une dernière clope avant la prochaine. Mes guibolles m'ont traîné au bord de Tombstone Lake. J'aimais bien y venir, m'asseoir sur un banc et mater l'horizon. J'adore ce moment où le soleil couchant embrase la surface de l'eau. J'étais perdu dans mes pensées, parti sur les terres de mes ancêtres. Et puis, il y a eu ce couple qui se promenait main dans la main. Ils se sont arrêtés presque devant moi, se sont regardés. « Est-ce que tu m'aimes ?» lui a-t-elle dit. Je me souviens encore de sa réponse. Si l'oiseau bleu est bleu, alors oui, je t'aime. Blue. Talking is a bluebird. Il l'a prise dans ses bras, ils se sont embrassés. J'ai cru que ça allait durer une éternité. Puis ils sont repartis, bras dessus, bras dessous, me laissant là, assis, sur mon banc, à regarder le lac, seul, livré à mes pensées. Je n'ai jamais eu personne à aimer, moi. Ce sont pas les occasions qui ont manqué, remarque, tu me diras. Et j'ai jamais pris les choses de l'amour au sérieux. Pas de femme, pas de gosse. J'aimais trop ma liberté. Pas d'attache, pas de raison de retour en arrière, pas de place pour les sentiments. Juste du sexe. Et encore, fallait que je paye. Et c'était bien comme ça. C'est ce que je croyais à cette époque-là. Je suis resté un bon moment à méditer. Puis quand j'allais me lever pour partir, un oiseau est venu se poser près de moi sur le banc. C'était un oiseau bleu. We'll be right back. Un oiseau bleu. Hasard? Coïncidence? Je sais pas. Il était pas bien gros, hein. Et son plumage était bleu. Mais pas le bleu commun. Un bleu plus lumineux, très lumineux même. Presque transparent, avec plein de cercles concentriques, avec différentes nuances de bleu à l'intérieur. Qui se sont mis à tourner d'un coup, et de plus en plus rapidement. Plus je le regardais, plus je me sentais léger. Aérien. Mon corps se transformait. Je le sentais s'élever, flotter dans les airs, comme si j'étais hypnotisé par cet oiseau. Le pire, c'est que j'ai aimé ça. Je sentais ce satané piaf s'immiscer dans mon esprit, pénétrer en moi et lire chaque recoin de mes pensées. Celle ancrée au plus profond de mon âme, le genre de pensée inavouable. Des pensées qui feraient rougir de honte le diable en personne. Je l'ai laissé faire, explorer le moindre recoin de mon esprit, chaque méandre, je lui ai rien caché, hein, sans honte, sans regret, sans jugement. J'avais cédé, abandonné toute résistance, je me laissais faire. Voyage initiatique, délire extatique, hors de mes sens, chevauchant le destrier bleu sur les volutes de mon passé, de mes racines, jusqu'au futur qui se dessine tel un kaléidoscope fantasmagorique. Et puis, la chute. Sensation vertigineuse, le sol qui se dérobe, et je plonge au fin fond de l'abîme. Tout s'assombrit, tout devient noir, les ténèbres m'envahissent. We'll be right back. Quand je me suis réveillé, j'étais toujours sur le banc, assis. Mais l'oiseau, lui, bah, il était parti. Et puis le jour se levait. Je me sentais bien, apaisé, délivré. Un peu comme si j'avais purgé mon âme de tous ses péchés. Une sensation de plénitude m'envahissait. Je crois que j'étais heureux. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti de tels sentiments. Alors je me suis allumé une clope. Et puis, doux retour à la réalité. L'esprit encore embrumé. Il était temps pour moi de rentrer. Stop your bike and stay wild. suis souvent revenu au bord du lac à la tombée du jour, espérant au plus profond de moi revoir ce jeune couple. Ils doivent être vieux aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce qu'ils sont mariés? Peut-être. Est-ce que la vie en a décidé autrement? Va savoir. C'était devenu une véritable obsession, comme une drogue. Fallait absolument que je les revoie. Eux, mais surtout l'oiseau bleu. Alors j'allais au lac, je m'asseyais sur le banc. C'était un peu devenu mon banc au bout d'un moment. Et je regardais l'horizon fondre dans l'eau. J'attendais, guettant le moindre bruit, le moindre frisson de vent dans les branches. Et puis, comme rien n'arrivait, je repartais comme j'étais venu. Je les ai jamais revus. L'oiseau bleu non plus d'ailleurs. Du coup, un jour, j'ai arrêté de venir au lac. J'ai décidé de tourner la page de cette histoire. Il était temps d'y mettre un point final. Ils sont certainement heureux sans moi et c'est bien mieux ainsi. J'ai laissé derrière moi l'oiseau bleu. J'aurais dû venir ici avec ma mère d'ailleurs. Peut-être que ça l'aurait guéri. Ou du moins, apaisé un peu son tourment. Ça me faisait du mal de l'avoir ainsi dévoré par la maladie. Et puis, cet oiseau bleu, je l'ai peut-être rêvé après tout. Il est peut-être sorti tout simplement de mon imagination. Ça pouvait pas être réel, il fallait que j'oublie cette histoire, je devais passer à autre chose. Ça me rongeait trop de l'intérieur. Comes gliding through the sunlight. J'ai repris la vie où je l'avais laissée avant de partir. Les allers-retours pour le désert du Sonora, le saguaro à l'abri duquel j'avais l'habitude de m'allonger. Elle était toujours là et ma fidèle, toujours à mes côtés, ma Rosita. Elle a un peu vieilli, mais elle sonne toujours aussi bien. Et puis il y a eu l'enterrement. Alors je suis resté quelque temps pour aider mon père et la vie a repris son cours. Il était temps pour moi de m'en aller, un nouveau départ à l'aventure. Le cœur gros, j'ai ressorti ma moto. Retour à la vie de nomade, c'est la dernière fois que j'embrassais mon père. Oh. C'est à cette période de ma vie que j'ai à peu près tout connu. Le rock'n'roll, l'alcool, la drogue, le sexe sans tabou ni lendemain, la violence. Je me demande encore pourquoi je suis toujours en vie. Il doit y avoir quelqu'un là-haut, très très haut placé, qui veille sur moi. Il y a même des jours où je pense que c'est cet oiseau bleu, mon ange gardien. Ouais, c'est un peu idiot, mais tu sais, je suis à moitié indien, je te l'ai dit tout à l'heure. Alors je te rappelle que ces choses-là, plus ça va, plus j'y crois. Seulement, l'espace d'un instant, j'ai oublié mes racines, j'ai tourné le dos à mes ancêtres, et l'oiseau bleu, mon oiseau bleu, j'y croyais plus. n'y a pas si longtemps que ça, une dizaine d'années, je crois, je suis retourné au lac de Lauban, était toujours là. Alors je me suis assis, comme avant, le regard perdu vers l'horizon. Au fond de moi, j'espérais revoir l'oiseau bleu, mais je n'y croyais plus. C'était juste un de mes souvenirs parmi tant d'autres. Je me suis assoupi. À mon réveil, il y avait un groupe de gosses qui s'amusaient à faire des ricochets dans l'eau. Je me suis souvenu que quand j'étais moi-même un gosse, je venais de temps en temps faire des ricochets et je pouvais passer des heures à regarder bondir à la surface de l'eau cette pierre que je lançais. Les gamins s'en donnaient à cœur joie et ça réchauffait le cœur de les voir s'amuser comme ça. Puis, ce fut l'heure de rentrer pour eux. Ils ont repris leur vélo, ils ont commencé à s'éloigner. Je revois encore le plus jeune d'entre eux, enfin je dis le plus jeune, du moins le plus petit d'entre eux, me regarder en enfourchant son destrier et me dire « Bonsoir monsieur », avant de pédaler comme un fou pour rattraper le reste de la horde sauvage. C'est à ce moment que j'ai vu, sur le dos du gamin, là, sur son blouson, était dessiné un oiseau bleu. Les rires des gamins résonnaient encore dans ma tête. Je me suis mis à rire aussi. Le cocasse de la situation s'y prêtait. J'étais là, assis sur le banc, au même endroit qu'il y a 40 ans, là pour la première fois où j'avais vu l'oiseau bleu, et il venait de m'apparaître à nouveau. Simple hasard, absconce coïncidence, preuve de synchronicité évidente. Mais qui est cet enfant? Celui du jeune couple? Leur petit enfant? Ça, je le saurai jamais. Mais une chose est sûre, c'est que depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de croire en l'oiseau bleu. Voilà, 19h55 et 32 secondes, bientôt l'heure de rendre le micro, de rendre le casque, de rendre l'antenne, de partir, de rentrer à la maison. Alors, toutes les musiques qu'on a écoutées pendant cette petite histoire, on a écouté Consortium avec It's Up To You, un titre de 1975, on a écouté Beatings, Is A Blue Bird Blue, un titre de 1970, Ed East, Open Up The Door, 1978, James Gang, Hollywood Dream, 1976, Fantasia avec Transparent Face de 1972, Sudden Death avec Leather Woman de 1971, Les Pigs Iron, People Gonna Talk, 1970, ça rajeunit pas, hein. Granny avec Romani Refrain, 1971, Jamoul, on dira Moul d'ailleurs, avec All You Have Left Is Me, Wildfire, Star in the Sky, 1970, The Elders avec 25 Miles, 1971. Leslie Motel, Moving Rock'n'Roll, ça c'était juste à l'instant, 1972. Voilà, l'émission touche à sa fin. Il me reste à remercier un petit peu tout le monde, tous les auditeurs. Radio Web Passion de m'accorder ce petit créneau de deux heures pour faire cette émission. qui me tient bien à cœur et puis qui me fait bien plaisir de partager avec vous cette décennie de rock'n'roll qui pour moi est quelque chose de fantastique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour une autre histoire ou un autre thème, j'en sais rien encore. La nuit porte conseil, on verra bien. Je vous fais des grosses bises et à bientôt. On va se quitter avec un groupe qui s'appelle Crowfoot. Le titre c'est Winter Comes. Il date de 1970. Si vous avez aimé l'émission, dites-le. Il y a une page Facebook, ça s'appelle Hot Rods. H-O-T espace R-O-D-S. À bientôt. Children stay inside to play, singing songs that wish the rain would go away. But the sky is never blue, only sadness colors me and you, and the stars are never seen in the night, and the moon will never shine all its light down on you. Écoutez votre radio sur www.radioweb-passion.com.